Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 24 janvier, nous souhaitons une bonne fête au François, l'honneur de François de Sales. Ça vient du latin signifiant libre. François est secret, réservé, introverti, observateur et possède une nature assez méfiante et prudente. Cela peut aisément passer pour de la froideur, de la fierté ou un certain sentiment de supériorité, alors qu'il s'agit en réalité de pudeur et de timidité. Son flegme apparent dissimulant une réelle nervosité. Patient, lent, il est pourvu d'une détermination à toute épreuve et lorsqu'un but lui tient à cœur, il peut se montrer obstiné et opiniâtre. Ennemi du superficiel, il ne donne pas son amitié à n'importe qui, mais lorsqu'il s'engage et donne sa confiance, il perd son côté ours et se révèle agréable, fidèle, ses qualités morales apparaissant au grand jour. Dicton du jour, l'or du soleil en janvier et or que l'on doit envier. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale du sport féminin initiée par le CSA en 2014. Et dans les événements qui se sont déroulés en 24 janvier en 1521, c'était la découverte de Puka Puka par Fernand de Magellan. Petit point géographique, c'est un atoll situé dans le sous-groupe des îles du Désappointement à l'extrémité nord-est de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Et ça en fait l'un des atolls les plus isolés de la collectivité. 1907, création de la première troupe scout par Robert Baden Powell. 1962, sortie du film de François Truffaut, Jules et Jim. 1990, inauguration de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Allez, on marque tout de suite une première pause avec Niagara et leur titre « L'amour à la plage ». L'amour sera la plage à Niagara sur RGM. Presque 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 24 janvier 1944. Naissance de David Gerold, écrivain scénariste américain connu pour Star Trek. 1950, naissance de Daniel Auteuil, acteur, réalisateur, scénariste français vu dans Les Soudoués en vacances dans le rôle de Bébel, Les Hommes préfèrent les grosses, Jean de Fleurette ainsi que Manon Dessources dans le rôle d'Hugolin récompensé par le César du meilleur acteur. Vu également dans La Reine Margot dans le rôle d'Henri de Navarre, Le Huitième Jour dans le rôle d'Harry, Le Bossu dans le rôle de Lagardère, La Fille sur le pont dans le rôle de Gabor, récompensé par le César du meilleur acteur, Le Placard dans le rôle de François Pignon, 36 quais des Orfèvres, La Doublure dans le rôle de Pierre Levasseur, La Fille du Puisatier dans le rôle de Pascal Amoretti, Japlou ou encore Marius et Fanny dans le rôle de César Olivier, réalisateur des films La Fille du Puisatier, Marius, Fanny et en 2018 D'Amoureux de ma femme. 1952, naissance de Raymond Domenech, ancien footballeur français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de 1970 à 1986 en jouant à Lyon, Strasbourg, au PSG, à Bordeaux et à Mulhouse. Il est devenu ensuite entraîneur de Mulhouse, de Lyon, de l'équipe de France Espoir, de l'équipe de France des moins de 20 ans et de 2004 à 2010, il était le sélectionneur de l'équipe de France. 1963, naissance de Muriel Moreno, chanteuse française du groupe Niagara. 1966, naissance de Karine Viard, actrice française vue dans Tati Daniel, La Haine, Les Randonneurs, ainsi que la suite Les Randonneurs à Saint-Tropez dans le rôle de Coralie, Olécoeur dans le rôle d'Emma, récompensée par le César de la meilleure actrice, La Parenthèse, Enchantée, Un jeu d'enfant, Embrasser qui vous voudrez dans le rôle de Véro, récompensé par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, L'ex-femme de ma vie, Le bal des actrices, Le code a changé dans le rôle de Marie-Laurence, Potiche, Rien à déclarer dans le rôle d'Irène Janus, Police dans le rôle de Nadine, La famille Bélier dans le rôle de Gigi Bélier, Les visiteurs, La révolution dans le rôle d'Adélaïde de Montmirail et sorti en fin d'année dernière dans le film Les Chatouilles. 1986, naissance de Misha Barton, actrice américaine, vu au cinéma dans Coup de foudre à Notting Hill, Sixième sens dans le rôle de Kira Collins, mais surtout connue pour ses rôles à la télévision dans la série Deuxième chance dans le rôle de Kathy Singer, son rôle de Marissa Cooper dans la série Newport Beach et apparue également dans la série Fastlane. 1987, naissance de Luis Alberto Suarez, footballeur uruguayen, qui de 2005 à 2006 a joué au club de National, de 2006 à 2007 au FC Groningen, de 2007 à 2011 à l'Ajax d'Amsterdam, de 2011 à 2014 à Liverpool et depuis 2014 il joue au FC Barcelone. En 41, décédé Caligula, empereur romain de 37 à 41. En 1965, décédé Winston Churchill, homme politique, militaire, écrivain britannique, premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945 et de 51 à 55. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature en 1953. 1983, décédé George Cukor, réalisateur américain, à qui l'on doit Othello, une étoile aînée, Les Liaisons coupables ou encore My Fair Lady, récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur. En 2006, est décédé Chris Payne, frère de Sean Payne, acteur américain, vu dans Rusty James dans le rôle de B.G. Jackson, Footloose, Reservoir Dogs dans le rôle d'Eddie Cabot, Beethoven 2, Shortcuts, Rush Hour ou encore le film Starsky & Hutch. Et enfin, en 2010, décédé Pernell Roberts, acteur américain, connu pour son rôle d'Adam Cartwright dans la série Bonanza. Allez, nouvelle pause musicale avec un nouveau titre que j'affectionne particulièrement. C'est signé Dean Lewis et ça s'intitule Be Alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent, And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Pass like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Be Alright, Dean Lewis sur le 107FM. Il est presque 8h43 et il est temps, eh bien, pour nous de parler météo. La météo. Et aujourd'hui, eh bien, on va passer la journée sous les nuages et avec des températures qui ne passeront pas dans le positif, puisque ce matin, elles sont comprises entre moins 3 et moins 2 degrés. Et cet après-midi, on aura des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré. Pour vendredi, quelques flocons de neige peut-être à prévoir, sinon ce sera principalement des nuages. Des températures comprises entre moins 5 et moins 4 degrés le matin, entre moins 1 et 0 degrés prévus pour demain après-midi. Et samedi, eh bien, on passera la journée sous la pluie, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le handball et le mondial et la première défaite pour l'équipe de France hier soir, 20 à 23 face à la Croatie. Mais je vous le rappelle, l'équipe de France a été déjà qualifiée pour les demi-finales. On connaît son adversaire, ce sera contre le Danemark, vendredi soir donc à 17h30. Tous devant nos écrans télé pour encourager les Bleus pour une nouvelle finale dans un mondial. On parle maintenant tennis avec l'Open d'Australie. Et hier, côté messieurs, Novak Djokovic s'est qualifié en bénéficiant de l'abandon de Kei Nishikori. Djokovic menait 6-1 et 4-1 au moment où Nishikori a décidé d'abandonner. En tennis fauteuil, à noter que ce matin, Stéphane Audet s'est incliné. Mais grand cocorico, puisque la paire Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'est qualifié pour la finale du double messieurs. Et dans quelques minutes, à 9h30, ce sera le match entre Rafael Nadal et Tsitsipas. Et côté féminin, Kvitova s'est qualifiée en 2-7 face à Collins, 7-6, 6-0. Et Osaka s'est qualifiée en 3-7 face à Pliskova, 6-2, 4-6, 6-4. Un mot de football maintenant avec les 16e de finale de la Coupe de France, où Dijon n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne, 6-3. Et d'ailleurs, en parlant de Dijon, eh bien, Johan Gourcuff quitte le club de Dijon d'un commun accord entre les deux parties. Le PSG s'est imposé 2-0 face à Strasbourg. L'équipe d'Orléans, club de Ligue 2, s'est imposée après prolongation 3-2 face au club de National 2 de Bergerac. Caen n'a fait qu'une bouchée de Viry-Châtillon 6-0. Rennes s'est imposé 2-0 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et ce soir, eh bien, on a le match entre Amiens et l'Olympique Lyonnais. Un mot de basket avec les résultats de NBA. L'équipe de Boston de Yabusele s'est imposée 123-103 face à Cleveland. 2 points et 3 rebonds pour le Français. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 9 points s'est inclinée face à Brooklyn 114-110. L'équipe de New York de Tilikina à 6 assistantes et 2 rebonds s'est inclinée 110-114 face à l'équipe de Houston. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est imposée à Memphis 107-118. 18 points pour Batum, 17 pour Tony Parker. Et enfin, l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 15 points et 10 rebonds s'est imposé 114-108 face à Denver. Et on termine avec du biathlon. C'est reparti. Cette fois-ci, c'est en Italie à Antols. Aujourd'hui, ce sera le sprint féminin à 14h30. Pour l'instant, je n'ai pas la liste de départ. Je ne peux donc pas vous donner les dossards de nos Françaises. Vendredi, on aura le sprint messieurs à 14h30. Samedi, les poursuites à 13h30 pour les femmes et 15h30 pour les hommes. Et dimanche, nous aurons les belles mastartes que j'affectionne tant. 12h45 pour les dames et 15h30 pour les messieurs. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer une dernière pause musicale qui va nous ramener un petit peu de soleil. C'est une nouveauté également. Bon, ça a quelques mois maintenant, mais on entend un petit peu, ça débarque. C'est CNCO, Meghan Trainor, Sean Paul sur le titre Hey DJ. It's a DJ, make the music play. Make the girl them say every day. Make them say. Even if I know it's wrong, hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wine. With you it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. I wanna dance with you all night. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueva y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey, DJ, hey DJ, come on, play the music. I know she likes it. Gotta see her moving, got to keep dancing. Only me, give the girl love properly. Only me, give the girl love it endlessly. We give her all of me energy. So me a DJ, turn up the sound, make she move her body. Only me, give the girl love properly. Only me, give the girl love it endlessly. Hey DJ,